بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأبون دو كومنسي لانتخبتاسيون سونيمينون الشيخ عبيد حفظه الله تعالى دي كونديسيون دو لا إله إلا الله. Je vais vous lire certaines paroles de son éminent Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, sont comme ce qui seront pour nous comme une introduction à ce sujet très important qui est rapport avec le monothéisme. Fa su'ila Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh an ghayati khalq al-bashar. La question a été posée à Cheikh Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, sur le but de la création des humains. فقال رحمه الله قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أنبه على قاعدة عامة فيما يخلقه الله عز وجل. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Avant de répondre à cette question, j'aimerais attirer l'attention sur une règle générale sur tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée, wa fi ma yashra'u, et sur tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère. Wa hadhihi al-qa'idatu ma'khudatun min qawlihi tabaraka wa ta'ala wa huwa al-'alim al-hakim wa qawlihi inna Allaha kana 'aliman hakima وغيرهما من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يخلقه وفيما يشرعه، أي فيما يخلقه وفيما يشرعه في أحكامه الكونية والشرعية. Il disait رحمه الله تعالى cette règle se trouve, il est extrait dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: il est le savant, c'est-à-dire celui qui sait les apparences et tout ce qui est caché, qui sait tout, rien ne lui échappe. Il hakim, c'est-à-dire celui qui fait les choses à la perfection. Il y a un but dans tout ce qu'il crée, et il y a une perfection dans tout ce qu'il crée. Il y a un but, une perfection dans tout ce qu'il légifère. C'est pour ça, comme disent les interprétateurs de ce verset, c'est pour ça qu'il a légiféré les lois dans lesquelles il y a le bien de l'humanité et des humains, et qu'il leur a interdit tout ce qui va leur faire du mal, et il leur a légiféré et imposé tout ce qui convient à leur situation. Et l'autre verset, Inna Allah kana 'aliman hakima, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, il fait tout à la perfection, ses lois et ce qu'il décrète, il est tout à la perfection. Il dit d'autres versets parmi les versets qui confirment la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il crée et dans ce qu'il légifère, que ce soit ce qu'il décrète dans l'univers ou ce soit ce qu'il légifère pour ses créatures. Faire ou ne pas faire, ce qu'il leur ordonne, ce qu'il leur interdit, ainsi de suite. Car chaque chose que Allah subhanahu wa ta'ala crée, il y a un but pour la création de cette chose. يقول رحمه الله: فإنه ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أو إعدامه، وما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا لحكمة، سواء كان ذلك في إيجابه أو تحريمه أو إباحته. اللي رحمه الله تعالى toute chose que الله سبحانه وتعالى crée c'est pour un but. Il l'a créé à la perfection et c'est pour un but. Que ça soit dans le fait d'avoir fait exister cette chose ou dans l'anéantissement de cette chose, il y a un but. Hein? Et toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala laisse faire, c'est pour un but. Que ça soit quand il dit de quelque chose qu'il est obligatoire, ou quand il interdit quelque chose, ou quand il autorise quelque chose, c'est pour un but. N'importe comment, il y a des buts dedans. لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكمه الكوني والشرعي قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا وقد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض حسب ما يأتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم. اللي mais ces buts et ces sagesses et cette hikma qui sont contenues dont ce que décrète Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers et dans les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète, ça peut être connu de nous comme ça peut être ignoré de nous. Ça peut être connu de certaines personnes et ignoré de d'autres. Certains connaissent le but, d'autres ne le connaissent pas. Et cela, selon les choses, hein, la science avec laquelle l'a comblé certaines personnes, il en a privé d'autres. يقول رحمه الله: إذا تقرر هذا فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي عبادته تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة في خلق الجن والإنس وهي عبادته. إلى دي رحمه الله تعالى et que ceci est approuvé et confirmé, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les génies et les humains pour un but énorme, pour un but louable, pour le fait de lui réserver le culte exclusivement et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Comme il est dit dans le verset dans surat Dariyat: je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Et comme il est dit dans Sourate Al-Mu'minoun: vous croyez qu'on vous a créé en vain et que vous n'allez pas revenir vers nous. Et comme il est dit dans Sourate Al-Qiyama: est-ce que l'être humain croit qu'il est libre à lui-même. Et d'autres versets des chers qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un but noble dans la création des génies et des humains, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est qu'ils adorent Allah et qu'ils lui réservent le culte exclusivement. ويقول الشيخ: والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إلى دي رحمه الله تعالى إلى دغاسيون كي دموندي aux humains c'est le fait de se trouver modeste devant Allah et d'être soumis à Allah et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et vénération, en mettant en application ses ordres, en s'abstenant de ses interdits, comme l'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dicté dans la législation d'Allah. Il cite le verset: il leur a été ordonné d'adorer Allah en accomplissant la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'être monothéiste, loin de الاسوسيسيونيزم. يقول: فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس، وعلى هذا فمن تمرد على ربه واستكبر عن عبادته وفعله يشهد بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبثا وسدى، وهو إن لم يصرح بذلك لكن هذا مقتضى تمرده واستكباره عن طاعة ربه. Et Cheikh de nous dire, fais attention à ça. Et le but, ça c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies et les humains. Et il dit, c'est pour ça que ceux qui se révoltent devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'enorgueillent de son adoration, bah ils donnent le dos, ils rejettent le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les serviteurs. Et son acte atteste comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a créé cette créature comme ça en vain, et qu'ils sont libres à eux-mêmes, même s'ils ne le déclarent pas. Mais sa révolution contre l'obéissance à Allah et son orgueil devant l'opposition à Allah, devant l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, prouve ceci. Donc la situation est très dangereuse à l'islam. فأول واجب على الخلق يقول الشيخ حفظه الله هو أول ما يدعى الخلق إليه. Il dit حفظه الله رحمه الله تعالى la première des choses qui est obligatoire aux créatures et la première des choses vers laquelle on doit appeler les créatures. قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأن محمدا رسول الله. Il dit, Cheikh, la première des choses vers laquelle on doit appeler les créatures, c'est ce que Rasoul صلى الله عليه وسلم a éclairé dans le hadith de Mu'ad, au moment où il envoie Mu'ad au Yémen. Il lui dit, tu vas aller vers des gens du livre. La première des choses vers laquelle tu dois les appeler, tu dois les appeler vers l'attestation. Qu'ils attestent qu'ils n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. فَهَذَا أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ وَأَنْ يَشْهَدُوا لِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالرِّسَالَةِ وَبِتَوْحِيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة يتحقق الإخلاص والمتابعة اللذان هما شرط لقبول كل عبادة. Il dit, رحمه الله تعالى, ça c'est la première des obligations pour les serviteurs. Ils doivent unifier Allah, réserver le culte exclusivement à Allah سبحانه وتعالى, unifier Allah سبحانه وتعالى dans leurs actes et attester au messager comme quoi il a ramené un message d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la véracité de son message, et en réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et en attestant, en reconnaissant le message du messager alayhi salatu wassalam, avec ça on accomplit la sincérité et le suivi, qui sont les deux conditions pour l'acceptation des actes. فهذا أول واجب أول ما يجب على العباد أن يوحدوا الله ويشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن التوحيد كله. Il dit, رحمه الله تعالى, ça c'est la première des obligations pour les serviteurs d'Allah. Ils doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent attester au messager d'Allah comme quoi ils ont ramené un message, ils ont reçu un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, l'attestation est digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala contient tout le monothéisme et englobe tout le monothéisme. فيقول رحمه الله التوحيد مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا. Il dit, rahimahullah, le monothéisme, c'est l'adverbe qui découle du verbe. Il a unifié. il a fait d'une chose qu'il soit unique, qu'il soit une. Hein? يقول وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. Et ça, on ne saurait l'accomplir qu'en faisant la négation et l'affirmation. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. Hein? Nier le jugement à toute autre chose que celui qu'on doit unifier, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement ne lui appartient qu'à lui, Azza wa Jal. Et le nier à toute autre chose, et toute autre divinité, ces divinités, les divinités parmi les divinités qu'adorent les gens, etc. Faire la négation, hein, et réserver tout le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فمثلا يقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله. Il dit la personne ne saurait accomplir le monothéisme, hein, jusqu'à ce qu'il atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده. Donc il atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et dans ces cas-là, il enlève l'adoration à tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, il la confirme tout simplement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ أَنَّ النَّفِيَ الْمَحْضِ تَعْطِيلٌ مَحْضِ. Parce que la négation toute seule, hein, c'est tout simplement la négation générale et totale, c'est un dépouillement total. Tu dépouilles tout. Quelqu'un il dit la ilaha. C'est-à-dire qu'on ne connaît aucune divinité. Donc c'est la position de qui? Des athées à l'islam. Pas de divinité. La ilaha. Donc la négation générale ne fait pas de quelqu'un qui est monothéiste. Hein? والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. Et le fait de confirmer tout simplement, de faire l'affirmation tout simplement, cela ne fait pas la négation des autres associés. Hein? Abadan. Quelqu'un il dit la ilaha. Ben il a fait la négation générale. Et cela, c'est la position des athées. Maintenant il dit juste illallah. Hein? Il ramène juste l'affirmation, il ne ramène pas la négation. La même chose, il ne peut pas être monothéiste jusqu'à ce qu'il confirme et il nie en même temps. Il confirme et il approuve qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, il nie tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne un exemple, rahimahullah. Fala qulta matalan fulan qa'im فهناك أثبت له القيام لكن إنك لم توحده به. Dis-tu maintenant, tu dis tel est le debout. Tu lui as confirmé le fait, la position d'être debout. Mais est-ce qu'il est le seul qui est debout? Non. Est-ce que tu lui as confirmé qu'il est seul qui est debout? أبدا. لأنه من الجائز أن يشركه غيره في هذا القيام. Parce que c'est possible que quelqu'un d'autre soit debout comme lui. وَلَوْ قُلْتَ لَا قَائِمْ فَقَدْ نَفَيْتَ نَفِيًا مَحْضًا. Et si tu dis, il n'y a personne qui est debout, donc tu as fait une négation générale. وَلَمْ تُتْبِتْ الْقِيَامَ لِأَحَدٍ. Et tu n'as pas confirmé que quelqu'un est debout. Tu as dit, لَا قِيَامْ. Il n'y a personne de debout. Donc tu as confirmé à personne. Il t'a nié pour tout le monde. De l'autre côté, t'as confirmé, mais tu n'as pas nié. فإذا قلت مثلا لا قائم إلا زيد أو عمر. Là tu as fait. Et si tu dis maintenant, il n'y a personne qui est debout à part Zayd ou à part Amr. Là tu as fait la négation et la confirmation. فحينئذ تكون وحدت فلانا بالقيام. Dans ces cas-là, tu as fait que tu l'as désigné comme quoi il est le seul qui est debout. Hein? حيث نفيت القيام عمن سواه وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع. Parce que tu as nié la position de Dubu de quelqu'un d'autre et tu l'as confirmé à lui. Ni Dubu ko Abdullah. Donc tu lui as confirmé, tu l'as nié des autres, et ça c'est le fait de dire de lui qu'il est uniquement le seul qui est Dubu. Et ça, c'est comme ça qu'on arrive en réalité à accomplir le monothéisme. لا يكون التوحيد توحيدا حتى يتضمن نفيا وإثباتا. On ne pourrait avoir et accomplir le monothéisme que s'il y a ces deux piliers dedans, la négation et l'affirmation. Abadan, toujours il faut. C'est pour ça que là, ilaha illallah, dedans il y a quoi? La négation et l'affirmation. وإليكم كلام بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في أهمية وفضل وثمار التوحيد. Et là avec nous dans cette introduction certaines paroles qui te prouvent l'importance du monothéisme et les vertus du monothéisme. Ces paroles d'hommes de science dignes du nom. Certains ont fait l'interprétation du livre du monothéisme et d'autres citation ici sont Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim رحمهم الله تعالى جميعا. فلا يخفى أن أعظم العلوم أخ الإسلام وأشرفها علم التوحيد لأن ذلك هو الذي خلق الله الثقلين لأجله وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار من أجله فمن تعلم ذلك وعمل به فهو التقي السعيد ومن أهمله وأعرض عنه فهو الشقي العنيد. Il n'y a aucun doute que tout un chacun de nous sait que la science la plus importante et la plus noble, c'est la science du monothéisme. Car c'est pour ça que les créatures ont été créées, les génies et les humains. Et c'est pour ça que les livres ont été descendus sur les messagers, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que ces messagers ont été envoyés, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'il y a eu la création du paradis et de l'enfer. Et celui qui l'apprend, qui le met en application, celui-là sera l'heureux et sera parmi ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui les néglige et qui se détourne du monothéisme, de l'apprentissage du monothéisme et de la mise en application du monothéisme, cela sera le plus grand malheureux. Ils l'ont été. وعلم التوحيد أخ الإسلام هو أساس الإسلام وقوام الدين وهو زبدة الرسالات الإلهية وغايتها وقطب رحاها وعمدتها. Et la science du monothéisme c'est la base de l'islam. Et c'est les piliers de cet islam. C'est sur ça que s'accomplit l'islam. Et c'est la crème de tous les messages qui ont été transmis par les prophètes alayhi salatu wassalam. Et c'est le but de tous les messagers, de tous leurs messages. Et c'est le pivot autour duquel tournaient toutes les législations qui ont été transmises par les messagers alayhi salatu wassalam. فحاجة الإنسان إلى هذا العلم فوق كل حاجة وضرورة إليه فوق كل ضرورة. Et le besoin de l'être humain pour cette science du monothéisme, il dépasse tous les besoins. Il est au-dessus de tous tes besoins. Tu en as plus besoin que l'air que tu respires, que la nourriture que tu manges, que la femme que tu épouses, que les enfants que tu aimes. Tout ça passe. Ton besoin du monothéisme est beaucoup plus important que tout, plus important que tout ça. La hayata lil quloub. ولا نعيم لها ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. Y a aucune vie pour les cœurs, la réelle vie dans les pour les cœurs. Y a aucune quiétude dans la vie de l'être humain s'il ne connaît pas son souverain, s'il ne connaît pas celui qui est le seul digne d'être adoré, s'il ne connaît pas celui qui l'a créé par ses noms, par ses sublimes noms, et par ses attributs, et par ses actes. Aucun bon, il ne peut pas atteindre ni le bonheur, ni dans ce bas monde, ni de l'au-delà. ألا وإنه أخ الإسلام لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة توحيد رب العالمين والعمل به أخ الإسلام شاس فرغون الله سبحانه وتعالى qu'il n'y aura aucune réforme, bonne réforme pour les serviteurs d'Allah, aucune réussite, aucune bonne vie, une vie paisible, aucun bonheur dans les deux demeures, ce bas monde et l'au-delà, et la personne ne sera pas épargnée des malheurs et des malédictions de ce bas monde et de l'au-delà, qu'en connaissant son sauverain, et qu'en mettant en application ce monothéisme. Tawhidullah, huwa l'amru, akha l'islam, alladhi khalaqa Allahu. Le monothéisme, le fait de réserver le culte à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. D'où akhal islam, la situation d'insensé de ceux qui disent le monothéisme, on peut l'étudier en 10 minutes. On dit tous la ilaha illallah, à quoi ça sert de nous rappeler le monothéisme, etc. Ceux-là, ils ont oublié la voie dans laquelle était leur prophète alayhi salam. 13 années à Médine, il appelait vers la ilaha illallah, vers le monothéisme. Et encore une fois arrivé, 13 années à la Mecque, et une fois arrivé à Médine, les versets descendent en interpellant les croyants et pas les mécréants. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih. Et le verset revient et interpelle les croyants à Médine alors qu'ils ont accompli le monothéisme, et il leur disait: ô vous qui avez cru, croyons en Allah et en son messager. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de prêcher le monothéisme en étant à Médine aussi. Le monothéisme, c'est pas un cours que tu prends et tu pars comme ça vers un autre cours. La abadan, il est tout le temps avec toi, tu en as besoin dans tout ce que tu fais. Tes actes doivent être faits sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois, dans tout ce que tu fais, tu dois observer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que t'ordonne Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'interdit. Et c'est le but pour lequel nous sommes créés. Je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer, pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute da'wa à l'islam qui ne se base pas sur le monothéisme, qui ne donne pas l'importance au monothéisme, sache que c'est une da'wa qui va vers sa perte. Il est perdant à la base, au point de départ. Même s'il y a la masse. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. La masse, c'est pas un repère de la vérité. Et il dit dans le verset, si tu oublies à une grande partie de ceux qui sont sur terre, ils vont te détourner du chemin d'Allah. Donc tu ne veux pas avoir avec la masse. La masse n'est pas un repère de vérité, akhi l'islam. La vérité, c'est la vérité, tu dois la connaître pour peser les masses, les individus, les actes, etc. فالله سبحانه وتعالى أخذ علينا الميثاق بإفراد عبادة الله عز وجل، وهذا التوحيد حقت به الحاقة ووقعت الواقعة به، وفي شأن هذا التوحيد تنصب الموازين يوم القيامة وتطاير الصحف لأجل هذا التوحيد، وبه تكون الشقاوة وتكون السعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. الله سبحانه وتعالى il a pris un pacte sur nous avant qu'il n'existe. Le pacte, c'est quoi? C'est de lui réserver le culte exclusivement. Le pacte du monothéisme. Avant qu'on existe. Et c'est pour le monothéisme qu'il va y avoir l'enfer, la résurrection. Hein? Et c'est pour le monothéisme que seront dressées les balances pour peser les actes. Et c'est pour le monothéisme que les manuscrits vont être distribués le jour de la résurrection. Et c'est pour le monothéisme qu'il va y avoir les malheurs et le bonheur. Le bonheur pour ceux qui l'ont accompli, le malheur pour ceux qui ne l'ont pas accompli à l'islam. Et par rapport au monothéisme, tu as la distribution des lumières. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la lumière, hein? Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de lumière, ne trouvera aucune lumière. أصل الدين أخ الإسلام هذا التوحيد وكل إنسان وكل جماعة وكل مجتمع لا يلقي للتوحيد أهمية فلا خير فيه. Le monothéisme, frère en Allah عز وجل, c'est la base de cette religion. Toute société, tout individu, tout groupe, tout prêcheur, hein, qui ne donnent pas l'importance au monothéisme, ils n'ont aucun bien en eux. Ils porteront aucun bien à la communauté. فهذا التوحيد هو الذي لا يقبل الله غيره من الأولين والآخرين أخ الإسلام. فهو دين الرسل كلهم. Le monothéisme, c'est la religion Allah subhanahu wa ta'ala qui va accepter les derniers et les premiers. Ils n'accepteront pas d'autre chose que le monothéisme. Hein? Des débuts de la création jusqu'à la fin de la création, il n'acceptera de ses créateurs que de ses créatures que le monothéisme à l'islam. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Et demande à ceux que l'a envoyé avant toi comme messager, est-ce que nous avons fait en dehors du clément des divinités qui s'adorent? Abadan à l'islam, abadan. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et tout messager que nous avons envoyé avant toi ya Muhammad, nous lui avons révélé, hein, qu'il n'est qu'un seul qui est digne d'être adoré. Le verset dit, je suis le seul digne d'être adoré, adorez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, à tous ceux qui ont reçu le messager alayhi wassalatu wassalam. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن كل الرسل فتحوا دعوتهم لأقوامهم بقوله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله سبحانه وتعالى de nous citer dans le Coran où nous parlons des messagers عليه الصلاة والسلام comme quoi la première des choses avec laquelle ils se sont adressés à leurs messagers عليه الصلاة والسلام c'est qu'ils disaient à leur peuple. Ah, les messagers s'adressaient à leur peuple, disaient à leur peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa awwalu da'wati ar-rusul akhal islam. Wa awwalu manazil at-tariq. Wa awwalu maqamin yaqumu fihi as-saliku ila Allah rabbil alamin. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Le monothéisme, c'est le début de la da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam. Et c'est le début du chemin de tout un chacun qui veut arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le début du chemin pour celui qui veut arriver vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monothéisme. Hein? Tout un chacun qui veut arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala soit content de lui, il commence sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala avec le monothéisme à l'islam. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui disait à son peuple adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Awwal ma tadkhul bihi an-nas ila al-islam at-tawhid wa awwal ما يخرج به الإنسان السعيد من الدنيا التوحيد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والتوحيد أول واجب وآخر واجب وهو أول الأمر وآخره يعني توحيد الألوهية توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Le monothéisme, c'est la première des choses, c'est la clé pour que tu rentres dans l'islam. Hein? Et c'est la dernière chose avec laquelle tu sors de ce bas monde. Celui qui a accompli sa vie dans le monothéisme, c'est, il va sortir. Il est rentré dans cet islam avec la ilaha illallah, il va en sortir avec la ilaha illallah. Hein? Car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, hadith de Mu'ad ibn Jabal chez Abu Daoud et chez l'imam Ahmed, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah rentrera au paradis. Le monothéisme, c'est la première des obligations, c'est la dernière des obligations. C'est le premier ordre et le dernier ordre. Hein? Ça veut dire le monothéisme de l'adoration, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois accomplir ta vie dans l'adoration à Allah et dans ta soumission à Allah, faire ce que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala, et terminer ta vie sur cette voie-là, en accomplissant les ordres d'Allah, en s'abstenant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. سبب صلاح العباد والبلاد وتوحيد الله سبحانه وتعالى. Les causes du bien des humains et des pays, c'est le monothéisme, c'est le culte réservé exclusivement à Allah سبحانه وتعالى. من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد الأمر هكذا وجد الأمر هذا كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et Cheikh l'Islam, le dit Mahmoud Allah, dit celui qui médite la situation du monde voit que tout le bien sur terre, sa cause c'est le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'obéir à Allah, d'adorer Allah, de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre son messager alayhi salatu wasalam. Et tout le mal qu'il y a sur terre, toutes les épreuves, la chasseresse, l'ennemi qui s'accapare des musulmans et des pays de l'islam et qui rabaisse les musulmans, tout ceci et d'autres mauvaises situations, sa cause, c'est le fait d'être en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam et demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de réserver le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui médite ceci, hein, d'une réelle méditation, il voit que la situation il est ainsi. Que ce soit en sa personne lui-même, ou que ce soit en général dans la communauté, et la puissance et les situations sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde. Prends-toi le mal que tu subis et regarde combien tu transgresses des lois d'Allah dans ta journée, avec toi-même, avec Allah, avec ta femme, avec tes enfants, avec la sunna de ton prophète. Et regarde. Et après, une fois que tu as fait ton analyse propre, regarde autour de toi. Et tu comprendras pourquoi tant de mal y est sur terre. Hein? Pourquoi tant de mal sur terre? Hein? C'est à cause de ça. À cause du fait qu'on est sorti de la nature pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Et pour le but que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Il nous a créé pour lui réserver le culte. Il nous a créé pour obéir à son message, pour le connaître comme il se doit. Lui être soumis, connaître son messager, suivre son messager. Hein? Et on suit les idées, les opinions, les leaders politiques, les gens passent. Hein? Et combien de jeunes, oui, je connais Allah, je connais les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant la situation est différente. C'est quoi la différence? Est-ce que cette situation dans laquelle tu y es, va changer le but pour lequel tu as été créé, ou va changer la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a transmise que tu dois mettre en application, ou doit changer cette situation et la situation du monde moderne. Est-ce que Tram, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala vont changer l'application de la sunna? Qu'est-ce qu'on est en train de se raconter? Et on se demande pourquoi on est dans le malaise. Le malaise, c'est nous qui le créons. Avant qui que ce soit. C'est le fait de vouloir ramener notre raison partout. Et de le vouloir s'immiscer dans les lois d'Allah. Et dans la sunna du messager alayhi salam. Avec des futilités. Et des pensées. Si dans leur moindre situation, c'est de les enfermer dans un sac de poubelle et de le mettre dedans. Hein? Sinon, il vaut mieux pour s'en débarrasser complètement de tirer la chasse de dessus. Parce que toute chose qui est en contradiction avec la parole d'Allah, avec l'authentique de la sunna du prophète, et la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah, et ceux qui les suivent à la perfection, c'est des futilités à l'islam. Hein? فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أين نحن اليوم؟ هذه مساجدنا. أين نحن من التوحيد، من تدريس التوحيد فيها؟ هذه بيوتنا مع أبنائنا ومع زوجاتنا. أين نحن من تدريس التوحيد لزوجاتنا وأولادنا؟ Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est préoccupé du monothéisme et de la da'wa vers le monothéisme. Où il est ceci dans nos mosquées ici en Europe? Où il est ceci dans nos maisons, avec nos femmes, avec nos enfants? Où sommes-nous de cet enseignement du monothéisme chez nous? Où sommes-nous de cette responsabilité que nous avons? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam da'a ila tawhid wa baqiya ala dalika fi makka 13 sana. وهو يدعو الناس إليه أخ الإسلام وكان يدعو في السفر وفي الحضر وفي وهو صحيح وهو مريض صلوات ربي وسلامه عليه بل وفي الأسواق أخ الإسلام ها كان يمر بالأسواق ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Allah Azza wa Jalla, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'est préoccupé et a donné l'importance au monothéisme. Il est resté 13 ans à la Mecque à appeler vers le monothéisme. Il a appelé les gens vers le monothéisme. Un voyage, il a appelé vers le monothéisme. Quand il était chez lui installé dans sa ville, il a appelé vers le monothéisme. Quand il était malade, il a appelé vers le monothéisme. Quand il était en bonne forme et en bonne santé, il a appelé vers le monothéisme, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Dans les marchés, il appelait vers le monothéisme. Il passait dans les marchés, il dit aux gens, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Balkan alayhi salatu wassalam yursilu ar-rusula ila an-nas fiya'muruhum awwal ma yabda'una bihi fi ta'lim an-nas wa ad-da'wati ila tawhid Allah azza wa jalla kama fi qissati Mu'ad indama ba'athahu ila al-Yaman. Rasul sallallahu alayhi wa sallam envoyé des émissaires et des ambassadeurs à travers les pays et à travers les villages, etc. Et il leur donnait, ordonnait, la première des choses qu'ils doivent, avec laquelle ils doivent commencer à enseigner les gens, c'est le monothéisme. Comme tu l'as entendu dans l'histoire de l'envoi de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu arda vers le Yémen. وَهَكَذَا تَبِعَهُ صَحَابَتُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ومن سار على نهجه يدعونا إلى توحيد الله رب العالمين لا شريك له وهكذا يجب على الدعاة أن يكونوا وعلى كل من يريد الفلاح وإصلاح هذه الأمة أن يدعوها إلى التوحيد فأكثر ما يحتاجه الناس اليوم تصحيح عقائدهم وتصحيح الأخطاء التي عندهم في عبادتهم ولكن أكبرها وأعظمها تصحيح العقائد داخل الإسلام فالناس في مشارق الأرض ومغاربها تذبح لغير الله لعل من والدك معك هنا وفي الصيف عندما يدخل المغرب في جنوب المغرب أو في الجزائر يذبح لصالح البلد أو القرية. فلا تقول أن هذا غير موجود، لا، له معك في البيت، لعل أنت وتسافر مع أمك وتصل أمك إلى جنوب من إلى بلد من البلدان وتذهب إلى العرافين وإلى الشوافات وإلى الكهنة، لأن الله عز وجل يوصي les nobles compagnons ont suivi le même chemin que le prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont appelé vers le monothéisme. Et ceux qui ont pris leur chemin ont fait de même. Ils appelaient les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement au souverain du monde, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que doivent être les prêcheurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Appelez vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas se voiler la face de dire que l'association n'existe pas à l'islam. Abadan à l'islam. Peut-être que dans ta famille, chez toi, en partant l'été en vacances, tu pars avec tes parents vers le sud marocain, ou le sud algérien, ou là, une partie du nord de l'Afrique, et ta mère va voir un devin, va voir un charlatan, va voir un sourcier, va au ton père aussi, hein, va égorger pour la tombe du village ou autre. On ne dit pas que ça n'existe pas, l'islam. Il y a 2 semaines, ce qu'ils appellent leur fête du Mouloud, certains faisaient des galopettes pour embrasser les pieds de leur chair. Hein? D'autres, ils immolaient autre qu'Allah pour une tombe, et ainsi de suite. Hein? Ça ne dit pas. Et nous voulons la libération de la Palestine et prendre le pouvoir sur le monde. Abadan akhal islam. On n'a pas pris le pouvoir sur nous-mêmes à soumettre notre âme et notre ego à Allah subhanahu wa ta'ala. On veut prendre le dessus sur l'ennemi extérieur. Abadan. L'ennemi que nous avons à l'intérieur, nous ne l'avons pas vaincu. Quelqu'un qui n'a pas vaincu son ennemi de l'intérieur, il peut vaincre un ennemi de l'extérieur? Pas se leurrer, se voiler la face à l'islam. Hein? Le triomphe de cette communauté, il est dans le monothéisme. Le triomphe de cette communauté, il est dans la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala et dans un suivi aveugle au messager alayhi salatu wassalam. Fahada sha'nu tawhid ya akhal islam. Wa lidhalika ihtamma bihi a'immatu ad-din. رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء اهتموا به اهتماما بالغا وجعلوه أساس دعوتهم وصرفوا إليه جل أوقاتهم وأعمارهم واعتنوا به تعلما وتعليما ودعوة بين الناس إلى أن أنسي دمونوتيسم خل الإسلام on l'acquiert, on l'accomplit et on sera dans les honneurs, ou on lui donne le don, le néglige et on sera dans les plus bas sphère de l'avilissement. Hein? Et les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna et qui respectent la voie de leurs pieux prédécesseurs radhiyallahu anhum ont donné une grande importance à ce monothéisme. Ils se sont occupés de ce monothéisme, à l'apprendre, à le comprendre, à le mettre en application et à l'enseigner à l'islam. Regarde si certains chouyours de la voix de nos plus prédécesseurs, regarde combien de fois ils ont expliqué le Qusur Talata. La première explication, la deuxième, combien de fois ils ont expliqué l'Aqid al-Wasitiyya, combien de fois ils ont expliqué le livre du monothéisme de Cheikh Mohamed Abdelwahab, combien de fois ils ont expliqué le livre du monothéisme dans Sahih al-Bukhari, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour la répétition? Non, parce que c'est la voix, c'est là où il y a l'essentiel. C'est là le but pour lequel elles nous sont créées. Et regarde tous ceux qui sont en divergence avec la voix du plus prédécesseur. Hein? Rentre dans le site d'Abu Ishaq al-Huwayni, tu vas trouver l'explication de l'Usul Talata, ou de l'Kitab Tawhid, ou de l'Aqid al-Wasitiyya. Abadan. Rentre chez le Mghraoui au Maroc, dans son site, tu ne trouveras pas. Rentre chez Mohamed Hassan, rentre, il a les six langues. Rentre chez eux, rentre dans leur site, tu verras. Maintenant, rentre dans le site du Cheikh Fawzan, tu verras les livres de Aqida et les livres qui sont expliqués sur Tawhid, combien le nombre. Rentre de celui du Cheikh Abdelrazzaq al-Abbad, au Cheikh al-Abbad lui-même, au Cheikh Ubayd, Cheikh Zayd, Cheikh Mohamed Bouna, tu verras les livres de Aqida qui sont expliqués. Hein? Et quand tu sais que la part du lion du temps des prophètes a été donnée au monothéisme, ben là tu comprends qui est sur la réelle voie des prophètes et qui ne l'est pas à l'islam. Là, celui qui donne l'importance au monothéisme et qui ne cesse d'enseigner ce monothéisme à la communauté, c'est celui-là qui veut le bien de la communauté. Et celui qui remplit le temps de la communauté avec le fait de parler des manifestations, des gouverneurs, du mal, etc., Rahada, il traîne la communauté vers sa perte à l'islam. Il ne fait que lui rajouter faiblesse sur faiblesse. À quoi ça sert de démoraliser la communauté musulmane? À quoi ça sert de lui citer l'injustice du tyran, etc.? À quoi ça lui sert? Tu ne fais qu'augmenter sa tristesse. Alors si tu l'orientes vers la connaissance d'Allah, tu lui fais comprendre ce que c'est que la ilaha illallah, ce que c'est que l'alim, ce que c'est que l'hakim, et tu lui montres comment le mettre en application ses noms et ses attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, là ils vont aller vers la quiétude. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs s'apaisent à l'islam. Il faut savoir où tu mets les pieds à l'islam. Il ne faut pas te voiler la face. C'est une religion. Et aujourd'hui, il y a la vie. Et demain, il y a la mort. Et la manifestation et la politique ne te servira à rien. Dans ta tombe, An-Nakir wal-Munkar, tu diras, qui était ton souverain? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu adorais dans ce bas monde? Si tu l'as connu, et tu es ce qu'il est, tu l'adores. Qu'est-ce que tu dis sur l'homme qui vous a été envoyé, le messager? Si tu l'as connu, et tu as étudié sa sunna, tu le suis. C'est quoi ta religion? Il ne va pas dire pourquoi tu n'as pas manifesté sur la place d'El Tahrir au Caire, ni sur la place de Jemaa el Fna à Marrakech, ni. Abedan. Ni à Sidi Bouzid. Abedan. Quel était ton souverain? C'est quoi ta religion? Qu'est-ce que tu dis sur l'homme qui vous a été envoyé? Trouve-moi une question sur les manifestations ici. Que le monothéisme pur, le suivi aveugle du messager, la mise en application des ordres et s'abstenir des interdits de l'Allah, sur ça tu seras questionné. Et le jour de la résurrection, tout un chacun de nous, il doit répondre à deux questions essentielles. Mada kuntum ta'budun, mada ajabtum al-mursalin. Qu'est-ce que vous adoriez? Et qu'est-ce que vous avez répondu au message à l'Ursafim? Ça veut dire, une, sa réponse, ça sera la sincérité, l'accomplissement du monothéisme. Et l'autre sera, pour y répondre, l'accomplissement du suivi. Toi, la situation n'est pas aussi difficile que ça. Il est aussi clair. Il n'y a pas besoin de tout un. Réveille-toi à l'islam. Tu ne laisses pas avoir à l'islam. Tu es là et tu es en passage. Et à la fin, tu vas rendre des questions. Tu dois répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ada sha'nu tawhid. Ça, c'est l'important du monothéisme, etc. Fa'ahlu sunna i'tamunna bid'awati ila tawhid. Wa'ahlu bid'a la yulquna lit tawhid. أهمية ولا يعطونها أهمية بل حال بعضهم من مقاله أو حاله يقول شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا ainsi l'importance du monothéisme à l'islam. Et les gens de la sunna lui donnent cette importance là et tout un chacun qui veut être conseillé pour lui-même doit se préoccuper du monothéisme et de lui donner l'importance qui lui est due. Et les gens de l'innovation ne donnent pas d'importance à la monothéisme. Et même quand ils en parlent, c'est marra al-kiram, ils y passent très vite comme ça. ni en détail, ni rien, juste des globalités comme ça et des généralités comme ça, pour jeter de la poussière dans les yeux, jeter la poudre dans les yeux, et dire, bah voilà, on a parlé du monothéisme. Abedan. Hein? Et les gens de la Sunna s'en préoccupent. Ils lui donnent l'importance qui lui est due. Hein? Et tout le bien vient du monothéisme à l'islam. Hein? Et certains, soit par leur dire, soit par leurs actes et par leurs insinuations, disent ainsi, un associationnisme qui nous réunit vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Hein? Et les histoires sont nombreuses. Les grandes têtes de ce qu'on appelle maintenant les penseurs musulmans, certains écrivent dans leurs livres, hein? Quoi? Ils écrivent quoi? Si quelqu'un y trouve son apaisement en étant étalé sur une tombe, laissez-le, du moment qu'il est avec nous. Quel bien tu peux attendre d'une da'wa de ce genre de personne? Quelqu'un trouve son apaisement étalé sur une tombe, laissez-le. Hadaï, lui, il veut le bien ou là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout simplement savoir au moment des élections. Ça a fait. Qu'au moment des élections, ils mettent oui pour lui. C'est tout ce qu'il veut de lui. Hein? Qu'il perd son bâton du sol au-delà, il n'en a rien à faire. Rien à faire à l'islam. Hein? يقولون أن دعوة الناس إلى التوحيد وتحديدهم من الشرك ينفر الناس عنا. ماذا تريد؟ تريد الحق أم تريد الباطل أخي الإسلام؟ Ils disent que le fait d'appeler vers le monothéisme fait éloigner les gens de nous. Le fait d'avertir contre l'associationnisme, ça fait éloigner les gens de nous. Qu'est-ce que tu cherches? La vérité ou les troupes? Qu'est-ce que tu cherches? La masse ou la vérité? Hein? وقول الحق من ربكم فمن آمن فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. Il dit dans le verset, dis la vérité qui te vient de ton souverain. Dis la vérité de ton souverain. Celui qui veut croire, il y croit. Et celui qui mécroit, nous avons préparé aux injustes un feu ardent qui va les entourer, dont les flammes vont les entourer. Mais ton devoir, c'est quoi? Dis la vérité, proclame la vérité. فَكُلُّ دَعْوَةِ اللَّهِ تَقُومُ عَلَى التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا تَسِيرُ عَلَى نَهْجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فهي دعوة تائهة مخدولة ضائعة مهزومة فاشلة وإن توهمت غير ذلك وهذا الواقع أكبر شاهد أخ الإسلام على ذلك والله المستعان وعليه التكلان. من الله عز وجل toute دعوة qui ne s'accomplit pas sur le monothéisme et sur le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne prend pas la voie des pieux prédécesseurs ridwanullah alayhim, c'est une da'wa errante, faible. Une da'wa, son point de départ, c'est déjà la défaite. Il a non réussite. Il ne réussira pas. Même s'il s'illusionne qu'ils ont réussi. Et la situation, elle est claire à l'islam. La da'wa d'Ikhwan, presque un siècle maintenant, qu'est-ce qu'ils ont donné comme fruit? Sinon, des bains de sang dans les pays de l'islam. Et encore de nos jours. Un tas, regarde. Des bains de sang dans les pays de l'islam. Combien de jeunes ont perdu leur vie dans les prisons dans les années 70? Ils sont rentrés dans ces prisons. Ils sont sortis le dos courbé. Malades de toute forme de maladie, etc. À cause de cette da'wa d'Ikhwan. Ah, c'est la da'wa, sa sœur jumelle, qui n'appelle pas vers le monothéisme, qui la da'wa d'établir. Presque un siècle aussi. Ils sont nés presque à la même époque, avec quelques années de différence. Où est-ce qu'il a amené la communauté? Il sort soi-disant sur ce qu'ils appellent le sentier d'Allah, mais en réalité c'est le sentier de Ilyas. Et quand il revient, sans rien, il peut égorger pour son sein du quartier ou autre, c'est pas un problème. Ne pas accomplir la sunna du prophète, ce n'est pas un problème. Pas de problème. Quel bien ils ont ramené à la communauté. Sinon, d'un côté, établir, enfoncer la communauté dans l'ignorance, et dans l'autre côté, les Ikhwan ont enfoncé la communauté dans le bain de sang et dans les prisons. Il dit, de côté de leurs gérants sont sortis des groupes égarés comme les Sororé, les Qutbé, qui n'ont d'autres mots dans la bouche. Les gouverneurs des pays de l'islam sont mécréants. C'est quoi tu te bases? Ramène tes preuves. C'est quoi tes preuves? Abadan akhal islam. Abadan akhal islam. La voix des pieux prédécesseurs n'a rien laissé au dernier. La voix du prophète alayhi salam, de ses nobles compagnons radhiallahu anhum, n'a rien laissé, tout est fermé. Et sache, frère en Allah, azza wa jal, tu veux être sauvé, et tu veux le bien pour cette communauté, pour toi en personne, pour ta femme, tes enfants et la communauté. La voix qui était large pour Muhammad alayhi salam, ses nobles compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection, il est large pour nous. Si tu veux pas, tu es en train de chercher ta perte à l'islam. Tu veux te perdre, tu veux t'égarer, tu veux aller dans l'impasse. وَلَنْ يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا وَصَلُحَ أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالتَّوْحِيدِ وَبِالْعَمَلِ بِالتَّوْحِيدِ وَبِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَبِالتَّحْذِيرِ مِنَ الشِّرْكِ أَخَ الْإِسْلَامِ. Il ne fera le bien de la fin de cette communauté et la réforme de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien et la réforme du début de cette communauté. Et le bien et la réforme du début de cette communauté s'est fait avec le monothéisme. L'appel vers le monothéisme et la mise en application du monothéisme. Ça, à l'islam. Abadan. Voilà les manifestations. Ils ne vont rien ramener. Parce qu'aujourd'hui, je manifeste, ils manifestent pour une idée. Et demain, ils vont sortir aux manifestations qui est contre cette idée pour laquelle ils ont manifesté. Aujourd'hui, ils ont voté pour cette idée-là ou là pour cet homme-là. Demain, ils sortent contre lui. Parce que tout ça, ce ne sont que des principes fondés par les hommes, amenés par les hommes. Et donc, il y a la faille dedans. La hikma et la perfection, il est dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. « Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir » Allah subhanahu wa ta'ala qui crée, c'est lui qui sait ce qui est bon pour les humains. Ce qui est bon pour les humains. Et qu'est-ce qu'il va faire? Où il est l'intérêt des humains? Dans ce bas monde et dans le delà, à l'islam. En dehors de ça, c'est des futilités. L'izza, al-nasr, al-sharaf, kulluhu fi tahqiq al-tawhid. Wa fi ta'ati rabbil alamin. Wa fi mutaba'ati al-rasul al-amin. Les honneurs, le triomphe, il est dans le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, dans un suivi aveugle du messager alayhi salatu wassalam. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Et les versets sont clairs, comme celui-ci dans Sourate An-Nur qui dit: Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont fait bonne œuvre. Il a dit qu'ils ont manifesté ou là qui ont élevé l'étendard de la politique. Là qui ont fait une bonne œuvre. La bonne œuvre, pour qu'une bonne œuvre y soit une bonne œuvre, il doit être dans la sincérité, dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et cette bonne œuvre, il doit y, six points doivent être contenus dans cette œuvre pour qu'il soit bonne. Il faut qu'il soit légiféré. Donc il faut qu'il corresponde à la législation. Il faut que le nombre qui est demandé soit ramené. Il faut qu'il soit accompli à la place demandée. Il faut qu'il soit accompli au temps demandé. Hein? Il faut qu'il y ait la race demandée aussi. Il faut la législation, la quantité, le comment. Comment faire cet acte? Il faut qu'il soit accompli comme le veut Allah. Et comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et sinon, ce n'est pas une bonne œuvre, akhal Islam. Une bonne œuvre, son origine, Allah a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les nobles compagnons ont dit. Hein? En dehors de ça, abadan akhal Islam. Abadan. Hein? Il a dit, il a promis à ceux qui ont cru parmi vous une foi en Allah subhanahu wa ta'ala et fait bonne œuvre. Saint, c'est accomplissement, adoration exclusive à Allah et un suivi du prophète alayhi salam. Ceux-là qui agissent ainsi, ils auront quoi? Allah subhanahu wa ta'ala va les faire succéder les uns les autres sur terre. Comme il l'a fait pour ceux avant eux, ceux qui ont accompli la bonne œuvre et qui ont réservé le culte exclusivement à Allah et qui, dans le suivi du prophète alayhi salam, ben, ils ont eu la succession sur terre. Et ceux qui viennent après eux doivent faire du même. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la puissance à leur religion sur terre. La religion qu'il a agréée pour eux, il va lui donner la puissance. Il va changer leur peur en sécurité. Il a condition à tout ça. Ils m'adorent, ils ne me font aucun associé. Ils m'adorent, ils ne me font aucun associé. Hein? Donc, on ne doit pas se leurrer à l'islam. On ne doit pas se leurrer. On est une communauté conditionnée. Islam veut dire soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'obéissance et dans le monothéisme à l'islam. Wa tawhid rabbil alamin akh al islam lahu fadail wa thimar azima. Et le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup de vertus dans ce bas monde et dans le delà, fit dunya wal akhirah. Sababu lin najat min an nar. Qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al janna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Et donc, première des choses qu'on obtient et le plus grand des fruits de la ilaha illallah, c'est que c'est une des causes pour être sauvé du feu de l'enfer. Hein? Et il y a beaucoup de fruits qu'on obtient ici dans ce bas monde avant le delà. Hein? Et être sauvé de l'enfer, du feu de l'enfer est énorme à l'islam. Il est dit dans le verset, et celui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala sera privé du fait de rentrer au paradis, sa demeure sera le feu de l'enfer, et les injustes n'ont pas d'alliés. Et dans les authentiques du hadith de Utban ibn Malik radiyallahu anhu, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de l'enfer celui qui dit la ilaha illallah volant avec la face d'Allah. كذلك التوحيد سبب لتكفير الذنوب والخطايا خلال الإسلام لما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. التوحيد expie les péchés, une des causes pour expier les péchés, pour les effacer. Comme il est rapporté chez l'imam Muslim rahimahullah, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me retrouve, hein, et qu'il arrive avec les péchés qui sont l'équivalent de comme la terre. Hein? Non, beaucoup de péchés. Hein? La terre pleine de péchés, il arrive. mais il lui a fait aucun associé, Allah subhanahu wa ta'ala il le retrouve avec l'équivalent de ses péchés en pardon. Pourquoi? Parce qu'il était monothéisme, parce qu'il n'était pas dans l'associationnisme. Hein? Qu'est-ce qu'il va dire celui qui dit aux gens, bah, étaler sur sa tombe, c'est pas un problème du moment qu'il est avec nous. Hada, il lui veut lui bien. Abadana khal islam. Kaboul amal salih, l'acceptation des bonnes œuvres. Il n'est accepté qu'avec le monothéisme. Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawm al-qiyamah ma tuqbil minhum wa lahum adhabun alim. لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقبول الأعمال أخى الإسلام لا يكون قبول الأعمال والأقوال الصالحة لا يكون إلا بالتوحيد إلا بالتوحيد. Aussi l'acceptation des bonnes œuvres ne serait, les œuvres ne seraient acceptées qu'avec le monothéisme. Dit dans le verset, ceux qui ont mécru, s'ils ont en fortune ce qu'il y a sur terre, la terre entière, et ils veulent donner ça pour qu'ils soient épargnés du feu de l'enfer, hein? Pour qu'ils soient épargnés du châtiment du jour de la résurrection, il ne sera pas accepté d'eux. Ils ramènent toute la terre en fortune pour la donner, pour ne pas être châtiés le jour de la résurrection, il ne sera pas accepté d'eux. Hein? Ils seront dans l'énorme châtiment. Il a été dit au prophète, pourtant le prophète, c'est le monothéisme par excellence. Mais pour nous montrer le danger du monothéisme, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à notre messager alayhi salatu wasalam, il lui a dit, si tu y associes, tes actes vont tomber à l'eau, vont être anéantis, et tu seras parmi les perdants. C'est-à-dire, on doit faire très attention à l'association. Si on est digne du conseil pour soi-même et pour la communauté. L'acceptation des œuvres, paroles et actes, ne peuvent être acceptés qu'avec le monothéisme. L'amen fit dunya ou fil akhira. La sécurité dans ce bas monde est dans le delà, elle est dans le monothéisme. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Wal murad bi dhulm huna al shirk kama fassarahu bidhalika an nabiy sallallahu alayhi wa sallam. La sécurité dans ce bas monde est dans le delà. Il est dit dans le verset, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice. L'injustice ici, c'est l'associationnisme, comme l'a expliqué le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là auront la sécurité, ils sont les guidés. La guidée, il est dans le fait d'accomplir l'associationnisme, le monothéisme. La guidée, la sécurité est la même chose. Il est dans le monothéisme. Hein? Al-Nusra wal-Izzatu fi dunya wal-Akhira. Triompher dans ce bas monde. Les honneurs dans ce bas monde, ils sont avec le monothéisme. Inna lanansuru rusulana wal-ladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumuna shahad. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum la'nawla in kuntum mu'minin. Le triomphe, les honneurs dans ce bas monde et dans le delà sont dans le monothéisme. Certes, nous ferons triompher nos messagers et ceux qui ont cru dans ce bas monde et dans le delà et le jour de la résurrection. C'est la parole de qui? Dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc le triomphe, il est dans le Coran. Ne vous rabaissez pas et ne soyez pas attristés alors que vous êtes les plus élevés et au-dessus de vous en étant croyants. Donc, les honneurs, ils sont acquis. Ils sont croyants à l'islam. كذلك من ثمار تحرير العبد من عبودية غير الله سبحانه وتعالى. فلا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. Aussi, le monothéisme dans ce bas monde, il libère la personne. Hein? De l'adoration d'autrui, de la colonisation d'autrui. Il n'est pas colonisé par le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est libre et réserve son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'espère qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est attaché son cœur, ni attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas attaché à un djinn, ni à un ange, ni à une tombe, ni à un humain, ni quoi que ce soit. دخول الجنة في التوحيد أخ الإسلام. دخول الجنة يستوجب دخول يستوجب التوحيد يستوجب دخول الجنة. المونوتيزم أبليك لا رونتري دو بارادي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Celui qui croit en Allah et qui fait la bonne œuvre, et la bonne œuvre, t'as su c'est quoi une bonne œuvre, qui est dans le suivi, hein? Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer dans des jardins sur lesquels coulent des fleuves, il y sera éternellement. Et quelle bonne subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. فالتوحيد أخ الإسلام له أهمية بالغة في قلوب المخلصين وله مكانة عالية في قلوب من أراد النجاة في الدنيا وفي الآخرة أخ الإسلام. Le monothéisme, frère en Allah Azza wa Jal, il a une grande importance dans le cœur des croyants sincères. Hein? Et dans le cœur de ceux qui veulent être sauvés dans ce bas monde et dans le delà, et de ceux qui ont peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui veulent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour l'importance du monothéisme, regarde les livres que les hommes de science ont écrits dessus. Tout le Coran il est dans le monothéisme. Tout le Coran, il est dans le monothéisme. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait connaître à toi, à nous, par ses noms et par ses attributs. Dans le Coran, il y a faire et ne pas faire, ce sont les obligations du monothéisme. Dans le Coran, il y a les promesses que Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienvenu, Allah subhanahu wa ta'ala parle des bienfaits qu'il a réservés aux croyants. Et ce qui les attend dans le delà. Pour qui? Pour ceux qui ont accompli le monothéisme. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du châtiment qu'il a fait subir à ceux qui n'ont pas accompli le monothéisme. Et il nous parle aussi des avertissements qui les attendent, du châtiment qui les attend dans le delà. Donc en réalité, le Coran, du début jusqu'à la fin, comme dit Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il concerne le monothéisme. Hein? C'est pour ça que certains nombres de sciences disent que tous les livres qui sont du sang du Minallah et Azza wa Jal, sont réunis dans le Coran et que tout le Coran en entier est réuni dans Surat al-Fatiha et que le secret de Surat al-Fatiha il est dans une seule phrase: toi seul nous adorons et auprès de toi seul nous cherchons aide. Hein? Et on arrête là inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum jazakumullahu khairan.